mystère, étoile du matin, roi des chérubins, je suis Lucifer. Qui peut penser? Non, je ne suis pas celui qu'on vous fait croire, celui qu'on vous fait croire.